Smoking No Smoking est un film en deux volets de 2h20 chacun. Chaque film a 6 fins différentes avec 3 moments décisifs, au sens premier du terme, des moments où l'on décide. Ces moments de décision sont ordonnés dans le temps de façon à rythmer le film de manière fixe. Les conséquences de chaque décision sont examinées 5 secondes après, 5 jours après, 5 semaines plus tard, 5 années plus tard. À un moment du film, l'un des personnages fait référence à Kierkegaard, le penseur du choix et de l'alternative. Et les liens entre ce film, sa manière de mettre en scène la dimension existentielle et angoissante du choix, et la philosophie de Kierkegaard sont tellement évidents que nous avons proposé au philosophe spécialiste de Kierkegaard, Vincent Delecroix, de nous rejoindre ce matin en studio pour une analyse philosophique inédite. Bonjour Vincent Delecroix. Bonjour Adèle. Est-ce que vous êtes prêt ? À quoi? Justement. Pour voir le film, ça y est, ça c'est fait. Ça c'est fait, j'espère. Ouais. Maintenant, pour en parler et décider quelle option on va choisir à chaque fois. D'accord. Parce que c'est comme ça qu'on va faire l'émission. Hein. Okay. Bon, on commence avec la bande-annonce qu'on pouvait voir sur les écrans en 1993 avec dans tous les rôles Pierre Arditi et Sabine Azéma. Et vous verrez, le choix commence déjà. Tu vois bien que les deux films sortent en même temps. Il n'y a pas un numéro 1 et un numéro 2. On va voir celui qu'on veut. Si on veut voir No Smoking d'abord, on y va. Attends, tu vas voir No Smoking d'abord, toi? Mais non, bon, je dis que c'est possible. On a le choix, c'est tout. Mais non, enfin, écoute, Smoking, No Smoking, moi, instinctivement, je vais d'abord voir Smoking dans l'ordre, quoi. Mais il n'y a pas d'ordre, justement. Non, t'es bouché, hein. Quoi? Et pourquoi tu veux absolument mettre un ordre? Mais pas du tout. Au contraire, c'est beaucoup plus simple. Les films s'appellent Smoking, No Smoking. Alors, je vais voir Smoking d'abord, No Smoking ensuite. Ça paraît logique, tout de même, non? Oh là là. Si tu veux absolument discuter, alors... Non, moi, je veux pas discuter. Si, non, pas discuter. Vas-y, choisis, toi. Ah choisis. Non, moi, je choisis pas, c'est toujours moi qui choisis. Mais effectivement, ça n'a aucune importance. Et il faut voir les deux. Oui. Voilà, les deux. C'est ça qui est amusant, il faut voir les deux. Bon, allez, on va voir No Smoking d'abord, ça va? No Smoking? N'importe qui va voir Smoking, on va aller voir No Smoking. Allez, allons-y, ça n'a pas d'importance. De toute façon, on va pas aller voir chacun le sien. Non, c'est quand même avec toi que j'ai envie d'aller au cinéma. Hein. Oui, mais moi aussi, hein. Oh là là, moi aussi. Bon, alors, allez. Bon, toi, tu choisis, tu dis ce que tu préfères. On y va sans discuter, allez. No Smoking, allez. No Smoking? Ouais. Tu dis ça pour me faire plaisir. Tu fais plaisir à moi? C'est sans fin, Vincent Delecroix. En fait, on ne peut jamais décider, c'est ça? Oui, et ce qui est pas mal d'ailleurs dans la bande-annonce, c'est le fait qu'il faut bien un principe de choix, un principe d'ordre. Ça peut être le plus absurde qui soit, mais c'est remarquable que, en fait, instinctivement, Pierre Arditi, enfin, le personnage de Pierre Arditi, ce qui est logique, c'est commencer par Smoking et après No Smoking. Ouais. Ce qui est logique, c'est en fait la première affirmation, la thèse, et après vient l'antithèse ou la négation. Et la négation vient toujours après. Et le principe d'ordre qui s'introduit à partir de ce moment-là, c'est aussi toujours ça. C'est qu'en fait, il faut donner de l'ordre à quelque chose qui a strictement aucune raison. Voilà. Ça, c'est la vie en général. Remettre de la raison dans des choix qui sont soit insignifiants, soit dont on ne peut pas calculer les conséquences par définition. Mais l'idée qu'il y ait un choix pur, gratuit, une liberté d'indifférence, c'est quelque chose qui est absolument impossible à assumer. Non seulement c'est une fiction philosophique, mais c'est absolument impossible à assumer. Il faut des raisons. C'est-à-dire que chacun de nos choix est lourd de conséquences. C'est ce que dit le film, en tout cas. C'est ce que dit le film, mais à mon avis, mais on y reviendra sans doute. Il y a un côté fallacieux dans ce film. Il y a un côté très fou, à dire vrai, et très ludique du coup, sur ce qu'est le possible, sur ce qu'est le choix ou la décision, ce qui n'est pas exactement la même chose, qui propose en fait une cartographie, une arborescence, une spatialisation des possibles, qui en fait n'est jamais comme ça dans la vie. C'est justement une représentation complètement artificielle, mathématique quasiment, de ce qui en réalité continue dans le temps, et qui n'a rien à voir, même à hauteur d'homme, justement, à hauteur de personnage. Aucun de ces personnages ne se représente en réalité, au moment où ils prennent telle ou telle décision, ne se représente la multiplicité des possibles devant laquelle ils se trouvent. D'ailleurs, heureusement, parce que s'ils le faisaient, ils seraient complètement tétanisés. Alors là, pour ce qui est de Kierkegaard, le stade esthétique, c'est ça. C'est qu'au bout d'un moment, envisager se représenter la multiplicité quasi infinie des possibles tétanise complètement le choix. C'est-à-dire l'abolit au lieu de le stimuler. À moins pourquoi de considérer le cinéma comme le dieu leibnizien, justement l'endroit où on peut apercevoir les combinaisons de possibles dont sont faites nos existences et qui fait que nous sommes pris dans un entrelacs de causalité que nous ne pouvons pas voir à hauteur d'homme, mais qu'en fait Dieu et le cinéma seraient là pour nous aider à voir. C'est exactement ça. La position d'Alain René, c'est la position du démiurge, pas du démiurge, du dieu leibnizien effectivement qui calcule les possibles et qui voit la série, c'est-à-dire les compossibles, la série qu'enchaîne un possible sur une autre. Mais justement, ce point de vue, nous ne l'avons jamais. Nous ne l'avons jamais. Et nous ne sommes jamais sub specie aeternitatis, nous ne sommes jamais hors de nous-mêmes, c'est-à-dire nous ne contemplons pas en train de faire un choix. Ça, c'est le point de vue de Dieu, mais nous ne l'avons jamais, le point de vue de Dieu. Donc c'est extrêmement ludique, très drôle par ailleurs, et puis c'est un rêve de scénariste, c'est un rêve d'écrivain, c'est un rêve de cinéaste, parce que on peut bouger les personnages, on peut les enclencher dans telle ou telle série de compossibles. Mais ça correspond absolument pas, en réalité, à ce que nous vivons au moment de faire un choix, pour autant que nous en fassions. Parce que ça aussi, c'est la question qui peut se poser devant le film, c'est en fait, quand est-ce qu'ils font vraiment des choix? Et puis pourquoi celui-là et pas tel autre? C'est-à-dire pourquoi choisir ce moment-là où effectivement, bon, on voit qu'il peut y avoir une alternative, un choix, mais pourquoi pas deux minutes plus tôt, alors qu'il y avait là aussi encore un choix, c'est-à-dire, bon, je prends une cigarette, j'en prends pas, voilà. C'est complètement arbitraire, en fait, cette représentation. Je n'ai pas trouvé la réponse à ma question concernant le titre du film Smoking No Smoking, parce que le film est une adaptation d'une pièce de théâtre d'Alan Ayckbourn, qui date de 1982, qui s'appelle Intimate Exchanges, qui était beaucoup plus riche, d'ailleurs, en termes de compossibilité que le film qu'on a sous les yeux. Et le film, donc, resserre l'intrigue autour de cette première décision. Le personnage de Sabine Azéma décide de fumer une cigarette dans Smoking, et dans No Smoking, elle ne fume pas. Et au fond, la cigarette n'a pas d'autre importance que ce choix initial. Pourquoi avoir tout axé sur cette cigarette? C'est le coup de dé, hein. C'est vraiment le coup de dé. C'est-à-dire montrer que montrer que la décision la plus insignifiante est susceptible d'entraîner des conséquences absolument incalculables. Sauf pour Dieu, encore une fois. Mmh. Donc, pourquoi ne pas justement choisir quelque chose d'absolument insignifiant plutôt qu'un grand choix de vie, je vais embrasser la foi, non, je suis athée, ou je vais me marier, non, je ne me marie pas, etc. Non, au contraire. Et puis il y a une chose moi qui m'a frappé en voyant le film. Bon, ça peut pas être un hasard, c'est que le paquet de cigarettes, vous vous souvenez, la marque du paquet de cigarettes, c'est des players, c'est-à-dire le jeu, les joueurs. Et bon, voilà, c'est ça. On va jouer. D'ailleurs, Bakri, comme René, comme Jaoui, puisque Bakri et Jaoui ont travaillé sur le scénario avec Alain René, ont insisté sur l'importance du jeu avec le spectateur. C'était une adaptation d'un auteur de théâtre anglais qui s'appelle Ayckbourn. Comment trouver l'équivalent du langage de Ayckbourn dans la langue française, quoi. Et un dimanche matin, je savais que la pièce Cuisine et dépendance de Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui était une pièce intéressante, mais j'avais aucune idée de ce que c'était. Et là, ça a été, au bout du premier acte, un coup de foudre. Il a trouvé que le style correspondait bien à ce qu'il voulait et aussi au style d'Ayckbourn. Donc on s'est vu, on a fait un petit essai, puis ensuite on est parti là-dessus. Il y avait une douzaine d'heures de théâtre à ramasser en 4 heures de film, et à redialoguer, à réécrire, c'est ce qu'on a fait. Je crois que ça s'est très bien passé. C'est une expérience formidable. Nous sommes en Angleterre, au cœur du Yorkshire. Dans le village de Hutton Bushel. Comme dans tous les villages, il y a une église, un cimetière, un restaurant indien et l'école. Voici son directeur, Toby Teasdale. Sa femme, Celia Teasdale. Lionel Heppelwick, le gardien de l'école. Sylvie Bell, elle travaille chez les Teasdale. C'est le début de l'été. Celia Teasdale est en plein ménage de printemps. Il doit être dans la remise. Je vais voir. Sylvie, continue au grenier, je reviens, hein. Sylvie. Et oui, lorsque Celia Teasdale est en plein ménage de printemps, elle aperçoit un paquet de cigarettes sur la table. C'est la première alternative, vous avez entendu, lorsqu'elle cède ses smokings. Oh et puis merde, et on entend la cigarette qui est allumée. Le film est lancé. Dans No Smoking, eh ben, elle ne prendra pas de cigarette. C'est pas un spoiler que de le dire, parce qu'on peut les voir, vous l'avez vu dans les deux sens. Vincent Delecroix, éclairez-nous, qu'est-ce que c'est qu'une alternative? Une alternative, ouais. Eh ben, c'est pas tellement ce qui se présente là, justement. Et d'ailleurs, la formule, moi, je la trouve excellente, c'est-à-dire « oh, et puis merde ». C'est pas le choix c'est vrai. Radical. C'est pas rationnel. Bon, je cède à une inclination. C'est beaucoup plus l'Heimlichien, justement, que Kierkegaardien. C'est-à-dire que quelques petites choses m'inclinent plutôt de ce côté-ci que de ce côté-là, me font tomber plutôt du côté de la tabagie plutôt que de l'autre. C'est plutôt accompagner des inclinations que choisir brutalement une alternative. Et en l'occurrence, et si on se rapporte à Kierkegaard, elle a quelque chose d'absolument rigide et même d'artificiel en réalité. C'est d'ailleurs ça qu'on peut reprocher. On peut reprocher beaucoup de choses à Kierkegaard, mais on peut, je serai le premier à le faire d'ailleurs, mais on peut reprocher justement cette manière de présenter un peu à la fois radicale et abstraite pour un penseur de l'existence, c'est un peu curieux. Mais précisément, la question c'est de savoir si nous avons bien affaire, en dehors d'un cas qu'il nomme, qu'il cite, c'est-à-dire le choix de la foi ou pas, en dehors d'un cas, si nous avons bien affaire à des alternatives strictes de ce type-là. C'est-à-dire, et c'est ce que montre justement le caractère un peu abstrait du choix entre la cigarette et pas de cigarette. Mais c'est rarement le cas, en réalité. C'est-à-dire que nous sommes rarement face à une alternative en termes de contradiction pure. Beaucoup plus sommes-nous entourés d'un nuage de possibles, vraiment une espèce d'aura, plutôt que vraiment ces deux routes bien distincte, cette croisée des chemins qui marquerait la fourche de l'alternative. Ça, c'est une cristallisation, une espèce de polarisation dont il faut se méfier aussi et qui rend peu justice en réalité à la plasticité, à la continuité, même au caractère imperceptible de nos choix et de nos décisions. Et encore une fois, je disais tout à l'heure, choix et décision, c'est pas exactement la même chose. Alors, quelle différence ? C'est même pas du tout la même chose. Si on a affaire à un choix, on est d'une certaine manière devant une multiplicité de possibles que nous nous représentons plus ou moins. Donc, en fait, nous choisissons des options en réalité. Et nous prenons des options. Bon. La décision, en tout cas telle que Kierkegaard y insiste, et c'est vraiment la décision sur laquelle il fonde, il focalise son regard, c'est une décision qui est conçue essentiellement en termes d'actes subjectifs, c'est-à-dire qui engage non pas tellement les objets sur lesquels va se porter le choix, mais dans la décision qui engage le sujet qui pratique cet acte. Et c'est ça qui intéresse Kierkegaard en réalité, c'est que le choix, c'est pas la décision, c'est pas le choix de telle ou telle chose, c'est d'abord le choix de soi en réalité. La décision, c'est la reprise de soi-même. Ça engage sa personne. Ça engage sa personne, oui. Et donc dans le film dont nous parlons ce matin, on peut dire qu'il y a des choix et des décisions. Il y a quand même des décisions de vie, rester avec son mari ou pas, parce que c'est quand même beaucoup des histoires de couple, c'est à quoi on assiste. Donc il y a des vraies décisions de vie, on pourrait dire, même si c'est un peu un pléonasme selon ce que vous venez de dire. Et certains choix, justement. Et vous l'avez dit, des inclinaisons, c'est ça, fumer ou pas fumer. Ouais. Alors bien sûr que, c'est le principe même. C'est le principe même du destin, c'est-à-dire vous engagez dans une voie. Après, il y a une suite logique ou non. En tout cas, il y a des relations de causalité qui font que votre vie se décide finalement comme ça. Ça n'empêche pas que cette vie elle est pas toute tracée, que vous pouvez pas précisément redévier de cette voie, reproduire des possibles. C'est effectivement toujours ce qui se passe. En réalité, la continuité d'une vie avec une logique constante, ça n'arrive pas. C'est jamais le cas. Et je pense pas que ce soit ça que veuille dire Kierkegaard ici. Mais en réalité, qu'est-ce qui suscite en fait le plaisir qu'on a à regarder ça et vraiment l'espèce de jouissance intellectuelle que nous avons à regarder si elle avait décidé ceci, elle serait pas là à ce moment-là, ça se terminerait pas comme ça, etc. Parce que en réalité, ce regard, il est purement rétrospectif. Et c'est la deuxième fausseté en quelque sorte, mais fausseté ludique, féconde du film. C'est qu'en réalité, ce qu'il nous propose, c'est une fois que tout est achevé. Et d'ailleurs, à la moitié du film, on revient en arrière, et ou bien il aurait pu dire ça, ou bien, c'est pas en fait au moment où ça se produit, c'est quand vous regardez à la fin, vous remontez, et là, vous vous dites, il aurait pu choisir ceci ou choisir cela. Donc, il y a deux trajets du regard exactement inverses, je pense. Nous regardons en avant. C'est-à-dire qu'en réalité, les possibles, et là, je serais plus bergsonien que Kierkegaardien de ce point de vue-là. Les possibles, ils naissent du réel, ils se produisent à partir du réel. C'est un, comme le dit Bergson dans La pensée et le mouvement, c'est un acte de l'esprit qui ajoute quelque chose au réel, le possible. Mais ce que nous voyons dans le film, c'est une vision rétrospective avec cette idée, fausse à mon avis, que d'abord il y a des possibles et que vous les actualisez ou pas. Et que donc le possible, c'est moins que l'être, c'est moins que le réel présent, et que, vous en sacrifiez certains pour en choisir d'autres, c'est-à-dire les faire passer au réel. En réalité, ça se passe jamais comme ça. C'est une mise en abîme de l'émission que nous sommes en train de faire. On ne sait pas à quoi elle va ressembler, et selon si je lance tel extrait ou tel autre extrait, l'émission prendra une autre tournure, et après l'émission, on pourra se dire, on aurait pu faire ça. Exactement. C'est le principe de la sortie de toute émission avec l'esprit d'escalier, en particulier chez moi. J'aurais dû dire ça. Mais non, en fait, j'aurais dû, etc., etc. Mais c'est un plaisir amer, qu'on éprouve. Mais c'est un grand plaisir aussi. C'est-à-dire Et je pense que tous les spectateurs qui regardent ce film ont envie de voir ça aussi. C'est-à-dire ont envie de voir ça dans leur vie, même si leur vie est effroyablement ordinaire. Nos vies sont effroyablement ordinaires, continues. Nous avons l'impression que finalement nous avons peut-être pris un choix il y a très très longtemps, mais qu'en réalité maintenant nous sommes pieds et poings liés, que quoi qu'on fasse, on continue sur la même route. Nous avons envie de regarder ça en nous disant à chaque fois. Il y a une plasticité de la vie, il y a une possibilité. J'ai pas pris cette option, c'est dommage, mais ça aurait pu. Ouais. Rien que l'idée de savoir que on aurait pu le faire, c'est quand même extrêmement jouissif. C'est jouissif et en même temps c'est insoluble, c'est ce que dit Kierkegaard. De toute façon, nous allons regretter. Mais ça, on y reviendra parce que c'est la mauvaise nouvelle du jour. Je vous propose, il faut bien faire des choix, plus qu'une décision. Je vous propose qu'on entende un texte de Kierkegaard, ou bien. C'est le titre d'un de ces textes, justement, qu'on peut aussi traduire par l'alternative. Et ou bien, c'est la structure du film. À plusieurs reprises dans le film, on a une scène et puis quelques minutes après, ou bien tel personnage dit ça, et là on a l'autre option. Donc voici le texte et ensuite un exemple du ou bien dans le film. Ou bien. Ces mots ont toujours fait une grande impression sur moi, et ils le font encore, surtout lorsque je les prononce ainsi, purement et simplement, car ils contiennent la possibilité de déclencher les contrastes les plus terribles. Ils produisent sur moi le même effet qu'une formule d'exorcisme, et mon âme devient singulièrement grave, parfois presque agitée. Je pense à ma prime jeunesse où, sans bien comprendre ce que c'est que de faire un choix dans la vie, j'écoutais avec une confiance enfantine ce que les aînés avaient à dire, et j'avais beau ne suivre que les directives d'un autre en faisant mon choix, ce moment prenait pour moi un caractère solennel et auguste. Je pense au moment d'une vie postérieure où je me trouvais à la croisée de chemin, où mon âme mûrissait à l'heure de la décision. Je pense à beaucoup d'autres circonstances de la vie, moins importantes pour moi, mais non pas indifférentes, où il fallait faire un choix, car même s'il n'y a qu'une seule circonstance où ce mot prend sa signification absolue, c'est-à-dire lorsqu'il y a d'un côté vérité, justice et sainteté, et de l'autre désirs et penchants, passions sombres et perdition, il est pourtant important aussi de choisir juste, quand il s'agit de choses où, en somme, ce qu'on choisit est plus ou moins inoffensif, de mettre la main sur sa conscience, pour qu'on ne doive pas plus tard battre en retraite avec douleur jusqu'au point d'où on était parti, et remercier Dieu si on n'a rien d'autre à se reprocher que d'avoir perdu son temps. Ou bien Rowena reste avec Miles et ils font l'amour. Il faut toujours que tu ris. Parfois j'ai l'impression d'être un clown pour toi. Mais quelle idée! Oui, mais c'est vrai. Par exemple, le soir, je rentre crevé après une journée de travail, je dis quelque chose de simple, de rationnel, et tout le monde se tord de rire. Salut tout le monde, ha ha ha! Mais c'est parce qu'on t'aime bien. Trouve autre chose. D'ailleurs, si tu veux tout savoir, au lit, ça m'aide pas beaucoup non plus. Qu'est-ce que tu fais, Rowena? Viens! J'ai pas envie de rire du tout, je te jure! Non, Rowena, sors de là, on est en plein milieu du parcours, sors de là, Rowena! Ah, je ne sortirai que quand tu me diras un poème. Mais, je veux un poème. Mais je ne peux pas. S'il y a eu un poème, je veux un poème. Mais je ne suis pas d'humeur à ça, Rowena. Elle a su me voir, m'écouter, ma peur. Elle a su l'apaiser. Mon cœur, fontaine de larmes. Ah, mon rêve est fini. Non, okay, non, Rowena. Non, s'il te plaît, viens, j'ai le bouton de ça. Rowena. Ou bien, elle dit... Bah, j'ai l'impression qu'il faut que je m'en aille, hein? Viens! J'ai pas envie de rire, je te jure! Non, non, Rowena, sors de là, on ne peut pas rester là, on est au milieu du parcours! Je sortirai si tu me dis un poème, non. Je veux un poème! Non, je ne peux pas, ça peut pas marcher, je suis pas d'humeur à ça, Rowena, non! Bon, bah, j'ai l'impression qu'il faut que je m'en aille, hein? Rowena ! Et voilà Vincent Delecroix. Après, avec la première alternative où Rowena reste et ils font l'amour sur un terrain de golf, finalement ils vont partir vivre en Australie. Ce sera l'option Joyeuse Pâques. Avec la seconde alternative, Miles et Toby, qui est un autre personnage du film, partagent une maison après avoir quitté leurs épouses respectives et la partie s'appellera Triomphe de l'amitié. Comment je le sais? J'ai sous les yeux ce qu'on appelle la pieuvre de Smoking No Smoking, c'est-à-dire une espèce d'arbre comme un arbre généalogique. On voit chaque situation qui engendre telle conséquence et ça me permet de m'y retrouver un peu dans le film quand même. Ouais, en fait, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que toutes les conclusions, l'ensemble des conclusions sont pas folichonne non plus. C'est-à-dire que le possible auquel on arrive, c'est quand même pas des alternatives. Non, les fins sont tristes. Voilà. Mais c'est... le film est drôle et on a entendu dans l'extrait, ça on l'a pas dit. Le film est hilarant. Très drôle. C'est formidable. Ce qui est frappant aussi, c'est que le ou bien sur lequel il se fonde, c'est les paroles. Alors, bien sûr, c'est des actes, comme vous l'avez rappelé, faire l'amour, pas faire l'amour. Mais Alain René pose son regard d'abord sur une parole, c'est-à-dire c'est une parole qui dit telle ou telle. C'est vrai. Telle les alternatives, c'est toujours ou bien elle dit ou bien il dit. Absolument. Et ce qui est pas mal, c'est d'avoir, oui, d'une certaine manière, confié toute la tâche du choix et de l'embranchement à une parole de trop, une parole de une parole faible ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que en réalité, nous représentons surtout le choix comme une décision active, comme prendre, faire ceci plutôt que faire cela. Mais en réalité, c'est la manière dont nous nous représentons, encore une fois, si possible. C'est-à-dire dont le langage intervient ici, qui est décisif. Et pour revenir au texte de Kierkegaard, et ce qui est frappant, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes d'ailleurs dans ce texte et qui correspondent aussi un peu à ce que je disais. C'est-à-dire, il faut pas se laisser trop non plus impressionner par cette espèce de leitmotiv qui va se radicaliser. Oui, le choix, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Si c'était ça, la philosophie de Kierkegaard, ça ne mériterait pas une demi-minute d'attention. Il faut faire des choix dans la vie. Ah oui, oh, formidable. C'est, on a bien fait de lire Kierkegaard pour le savoir. Et en réalité, bon, il y a quelque chose en dessous qui est une discussion avec Hegel, avec la dialectique. C'est-à-dire le fait que, précisément, le ou bien, il s'oppose à la possibilité d'une synthèse, c'est-à-dire à la possibilité du dépassement de la différence, d'une possibilité du dépassement de la contradiction ou de l'intégration de la contradiction. Ce qui intéresse Kierkegaard précisément, c'est maintenir la contradiction. Maintenir la contradiction parce que c'est face à la contradiction que le sujet émerge. Et que quand on prétend neutraliser cette contradiction, notamment entre les choix alternatifs, eh ben c'est le sujet lui-même, la consistance du sujet lui-même qui se dissout. C'est-à-dire que, précisément, la subjectivité se confie à une espèce de déroulement du concept, qui se dépasse lui-même, de la différence qui se surmonte elle-même. Si on s'en tient à l'alternative, c'est-à-dire si on s'en tient à la contradiction, alors ce qui demeure vivant, c'est le sujet lui-même. C'est-à-dire le fait qu'il est engagé et il doit choisir. Et donc il y a vraiment une discussion métaphysique de fond là-dessous, c'est-à-dire une philosophie de la subjectivité, une certaine philosophie de la subjectivité, ou au contraire, ce qu'il appelle une philosophie de l'objectivité qui repose sur un cheminement dialectique continu, qui d'une certaine manière considère les alternatives comme des représentations artificielles de l'esprit, c'est la pensée d'entendement pour Hegel, qui oppose les déterminations finies, alors qu'une vision du concept, par l'esprit, comprendrait au contraire que ces alternatives figées sont complètement artificielles, justement. Et qu'en réalité, il y a le mouvement du concept qui dépasse constamment ces contradictions. Kierkegaard, précisément parce que c'est une philosophie de l'existence, donc qui veut s'en tenir à ce à quoi nous sommes confrontés dans l'existence, il s'acharne à demeurer au pied de l'alternative. Et c'est ce qui explique aussi sa radicalité. Bon, d'abord parce que, comme il le dit dans le texte qu'on a vu, il n'y a qu'un seul choix, en réalité. Il y a un choix absolu. Et on devrait parler de choix uniquement en fonction de ce choix absolu. Quand il y a vérité, justice et sainteté. Ben voilà, c'est-à-dire la foi, tout simplement. Le vrai choix de l'existence, c'est choisir de croire en Dieu. Il n'y a qu'un seul choix. Et c'est pascalien. Mais c'est un choix, la foi? Ah ben oui, c'est un mouvement volontaire. Justement, vous êtes au seuil, soit vous vous scandalisez, vous vous scandalisez, c'est-à-dire il y a de multiples degrés dans le scandale, ça peut être l'indifférence totale, ça ne dit rien, soit vous choisissez. C'est pascalien, de ce point de vue-là, c'est absolument pascalien, vous êtes embarqué, vous devez choisir. Voilà. Vous faites un pari, vous faites un pari. Bon, la différence, c'est qu'avec Kierkegaard, il n'y a pas de calcul, justement, il n'y a pas de calcul. Et c'est aussi ça qu'on peut lui reprocher, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'artificialité de la décision pure qui aura d'ailleurs des conséquences dans ses usages politiques plus tardifs. Il y a un choix pur, voilà, et c'est ça qu'il veut accentuer, parce que le choix de la foi, pour lui, il doit le faire non pas exactement sans raison, mais les raisons sont impuissantes à motiver le choix. C'est-à-dire, c'est justement pas Leibniz, c'est justement pas un principe de raison, ou c'est même pas, surtout pas, des petites perceptions, des inclinations qui nous porteraient plutôt de ce côté-là que de ce côté-ci. Parce que, encore une fois, la subjectivité serait dessaisie d'elle-même. Elle serait dessaisie de son pouvoir de choix dans lequel elle loge intégralement. Donc il faut radicaliser ce choix. Mais ce qui est intéressant dans le texte qu'on a entendu, c'est que il revient justement de cette alternative stricte, radicale, grandiose, pour ne pas dire pompeuse, à nos yeux, vers, ces micro-choix, auquel on a affaire ici dans Smoking, No Smoking, dont les conséquences peuvent être considérables. Hein. On se marie pas, on quitte sa femme. Bon, comme par hasard, dans tous les cas de figure, ça se termine à l'église, pour une raison ou pour une autre. Toutes les fins du film, toutes les fins possibles, c'est à l'église. Enterrement, mariage, fête de l'école. Ça me paraît pas totalement un hasard, hein, en l'occurrence. Mais ce qui est intéressant dans le texte de Kierkegaard, c'est de dire, bon, ok, il n'y a qu'un seul choix dans la vie, c'est celui-là, c'est le choix de la foi ou pas. Mais tout de même, il faut s'exercer. C'est là, ce qui est important aussi, c'est le caractère exercice spirituel au sens strict du terme. Il faut s'exercer à faire des choix. Bon, pour ne pas, et là aussi, bon, peut-être qu'on y reviendra, parce que c'est une des phrases majeures d'ailleurs dans le film lui-même, on ne peut pas revenir à zéro. Et si on revient à zéro, qu'au moins on n'est pas à regretter autre chose que le temps perdu, dit Kierkegaard. Et c'est extrêmement important. Ça, d'abord parce que c'est encore une fois artificiel, l'idée de revenir à zéro, c'est-à-dire au moment du choix, mais où? Il est où ce moment exactement? Mais il faut s'entraîner. Voilà. Il faut s'entraîner. C'est des petits exercices spirituels quotidiens par lesquels la subjectivité s'éprouve elle-même. Mariez-vous, vous le regretterez. Ne vous mariez pas, vous le regretterez aussi. Mariez-vous, ne vous mariez pas, vous le regretterez également. Si vous vous mariez ou si vous ne vous mariez pas, vous regretterez l'un et l'autre. Riez des folies de ce monde, vous le regretterez. Pleurez sur elles, vous le regretterez également. Si vous riez des folies de ce monde ou si vous pleurez sur elles, vous regretterez l'un et l'autre. Bah, je crois qu'il faut que tu sortes maintenant. Tu t'es enfermée pour me punir, tu nous as tous punis, les enfants sont malheureux. On a tous besoin de toi, tu sais. Mal, je t'en prie, je t'en prie. Tu vas me faire pleurer, moi qui ne pleure jamais. Je renoncerai à tout, je te jure. Mal, chérie, ça va? Bonjour. Oh non, tu devrais pas trop parler, Miles. Attends un peu. Oh, c'est merveilleux de te revoir. Mais qu'est-ce que tu faisais là-dedans? J'ai fait le bilan. Le bilan? Oui. Je me sens beaucoup mieux. Oh, c'est formidable. Alors tout va bien? On peut rentrer à la maison? Hein? Tu reviens à la maison? Chérie, on a tous envie que tu reviennes, hein? Non. Non? Non. Je suis désolée, Rowena, il faut que je m'en aille, je repars à zéro. Mais c'est idiot, chérie. Non, c'est pas idiot. On ne peut pas repartir à zéro, personne ne peut. On peut essayer. Et tu crois que tu vas changer comme ça du jour au lendemain? Mais ça n'existe pas, tu seras toujours le même. Tu seras toujours gentil et vulnérable, et moi je serai toujours égocentrique et superficielle, on ne change pas. Je ne suis pas de cet avis. Ah bon? Où tu vas? À la gare, prendre un train. Je peux t'aider? Non, je crois pas. Miles, je t'aime, tu sais. Oui, oui. Ma peur, la suite. On ne pleure pas. On ne pleure pas bêtement. Arrête de chialer, Rowena, t'es pénible. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. On parle de Smoking, No Smoking, le film d'Alain René, qui est une adaptation de la pièce d'Egburn à laquelle ont travaillé Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui. Le film date de 93. Vous êtes en train d'entendre des extraits. On essaye de voir de quelle mesure ce film reprend à sa manière la pensée, la philosophie de Kierkegaard, qui est citée explicitement dans le film. Dans l'extrait qu'on a entendu, Vincent Delecroix, on a le personnage de Miles, qui a été dévasté par le rejet de Sylvie, qui s'est enfermé dans la remise des Tisdale pendant plusieurs semaines. Et donc là, il accepte de sortir. Et donc, voilà, il peut soit rester avec Rowena, soit la quitter. Dans cette scène, il choisit la deuxième alternative et il décide, dit-il, de repartir à zéro. Ce à quoi Rowena lui dit, mais c'est absurde, on ne change pas, on ne pourra jamais changer. En d'autres termes, on ne peut pas vraiment faire des choix en ce qui concerne notre personne. Ça va très loin, ces répliques, si on les prend au sérieux. Oui, et à mon avis, les deux se trompent de ce point de vue-là. Et peut-être que l'alternative, enfin l'autre branche de l'alternative que propose René montre que de toute manière, et c'est faux. C'est-à-dire là, en l'occurrence, l'alternative se fait pas entre la possibilité de repartir à zéro, c'est-à-dire de se refaire entièrement, et le contraire, c'est-à-dire personne ne peut changer. Et bah, précisément, non, c'est ni l'un ni l'autre. En réalité, certes, nous ne pouvons pas revenir à zéro, même si c'est un fantasme récurrent ma vie va entièrement changer, va entièrement se transformer. C'est absolument, oui, là encore une fois, de l'ordre du fantasme et du fantasme rétrospectif, en réalité. Mais ça ne signifie pas non plus qu'il y a un déterminisme absolu du caractère, par exemple, qui interdirait ces micro-choix, ces déviations, dont les conséquences, en revanche, peuvent être fameuses, hein, et considérables. Ben non, c'est entre les deux, justement. Et alors, bien sûr, on n'aime pas qu'il y ait une troisième voie. Ben non, on n'aime pas c'est trop dur à accepter. Justement autre on voudrait chose. Que ce soit noir ou blanc. Ben voilà, on n'aime pas qu'il y aurait autre chose qu'une alternative sur l'alternative, justement. Or, c'est le cas. C'est le cas. Et même si la conclusion de l'un, c'est bon, on peut pas repartir à zéro. De toute manière, ça échoue. Ça signifie pas du tout que, encore une fois, le sujet est dépossédé de la possibilité ou de la capacité plutôt de se reprendre lui-même. Et ça, c'est kierkegaardien. C'est-à-dire, ce qui est pas tellement kierkegaardien, c'est l'idée de revenir à zéro, de faire table rase du passé et de commencer tout nu dans la vie et de se redoter d'à peu près la totalité de ses caractéristiques empiriques. C'est absolument faux. En revanche, la décision chez Kierkegaard, c'est une reprise, c'est une répétition. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire, c'est une reprise de soi à la puissance supérieure. Bon, le passage d'un stade à un autre, de l'esthétique à l'éthique ou de l'éthique au religieux, il se fait effectivement par cette rupture fondamentale, cette cassure qui est la décision, mais c'est une décision qui porte sur soi. C'est-à-dire non pas le fait de se dire, ce qui est absurde, je serai un homme nouveau, je serai ou une femme nouvelle, je serai un individu complètement différent de ce que j'ai été, mais en revanche, j'assume la totalité de ce que j'ai été, je la porte à une puissance supérieure. Je me marie, par exemple, pour Kierkegaard. Et ça dans le film aussi, d'ailleurs. Ouais, ça nous renvoie aussi au texte de la première partie de l'alternative que vous avez lu. Marie-toi, tu le regretteras. Te marie pas. Oui, alors c'était une citation de Kierkegaard où il dit que quoi qu'on fasse, on le regrettera. Il prend l'exemple du mariage justement. Et alors c'est marrant parce qu'il reformule un peu comme dans le film. Il reformule de quatre manières différentes le même scénario qui consiste à dire de toute façon vous regretterez votre choix. C'est désespérant. Et ben c'est désespérant parce que c'est typique. Il faut savoir qui parle ici. Hein. C'est-à-dire c'est un pseudonyme esthétique. C'est l'âme romantique en réalité qui est ici, ou la subjectivité romantique qui est ici en train de parler, c'est-à-dire celle aussi qui éprouve la lassitude de vivre parce que d'une certaine manière elle a tout connu et que de toute manière les conséquences pour le sujet, pas objective, mais les conséquences sont de toute manière catastrophiques. Bon. Ce qui est intéressant ici, c'est pas simplement le fait que la vie est vraiment décevante de toute manière, comme le montrent toutes les conclusions des alternatives dans Smoking No Smoking, mais c'est plutôt de manifester l'espèce de à la fois d'affolement et de d'impuissance devant la totalité des possibles. Et ça, c'est typique de l'âme romantique, justement. C'est-à-dire quoi que tu fasses, Tu le regretteras, alors pourquoi choisir ? Et ça, c'est la mélancolie ou c'est l'angoisse ? Ah, ça, c'est la mélancolie. C'est la mélancolie, précisément parce que l'angoisse, c'est le premier pas de la liberté, justement. C'est le néant, c'est l'épreuve du néant qui est l'anticipation même de la liberté. Ici, c'est vraiment la mélancolie romantique. C'est-à-dire, oui, ce personnage que nous connaissons tous, qui est d'une certaine manière blasé avant même d'avoir vécu, qui est déjà trop vieux, comme le dit Kierkegaard, hein, qui est déjà trop vieux, et surtout pour lequel, précisément c'est ça le stade esthétique, le choix n'a pas lieu d'être, parce que de toute manière, les conséquences seront les mêmes, c'est décevant. Donc en réalité, il n'y a pas vraiment d'alternative, il n'y a pas vraiment de choix, même si entre se marier et ne pas se marier, ça nous paraît un choix extraordinaire, mais en fait, ça s'annule dans les conséquences psychologiques intérieures que ça produit. C'est, tu le regretteras de toute façon. Mais tu regretteras quoi ? Tu regretteras d'avoir fait un choix, justement. C'est pas tu regretteras d'avoir fait ce choix, c'est tu regretteras d'avoir choisi, justement. Et ça, c'est caractéristique, justement, de l'âme romantique. Elle ne veut pas choisir. Elle ne veut pas choisir, c'est-à-dire elle ne veut rien sacrifier. Elle ne veut rien sacrifier des possibles. Donc elle vit assise à son bureau en regardant par la fenêtre. Ah si j'étais, ah si je faisais ci, ah si. Et elle passe à côté de sa vie. Et on passe à côté de sa vie. Elle s'étiole complètement. Précisément, il faut sacrifier. Alain René cite Kierkegaard, mais aussi Kundera comme source d'inspiration. Il cite une page de l'insoutenable légèreté de l'être, justement, dans laquelle le narrateur se demande s'il vaut mieux être avec Teresa ou rester seul. Et il écrit « Il n'existe aucun moyen de vérifier quelle décision est la bonne, car il n'existe aucune comparaison. Tout est vécu tout de suite pour la première fois et sans préparation, comme si un acteur entrait en scène sans avoir jamais répété. Mais que peut valoir la vie si la première répétition de la vie est déjà la vie même ? C'est ce qui fait que la vie ressemble toujours à une esquisse. Mais même esquisse n'est pas le mot juste, car une esquisse est toujours l'ébauche de quelque chose, la préparation d'un tableau, tandis que l'esquisse qu'est notre vie n'est l'esquisse de rien, une ébauche sans tableau. » Thomas se répète le proverbe allemand « Einmal ist kein Mal », une fois ne compte pas, une fois c'est jamais. Ne pouvoir vivre qu'une vie, c'est comme ne pas vivre du tout. C'est très très juste, c'est un texte absolument juste pour de multiples raisons. Et d'abord, pour ça me rappelle aussi beaucoup Kierkegaard, on ne vit pas à l'essai, dit Kierkegaard. On ne commence pas à vivre une première fois pour tenter, c'est un essai. Et puis après, on recommence à vivre. Une fois qu'on a répété, on joue vraiment. Non, on joue tout de suite. Bon, et on joue tout de suite et on connaît pas les répliques. Et ce qui est très important dans le texte ici, mais qui a effectivement une valeur déceptive, qui à mon avis est là pour le coup discutable, mais c'est qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, il faut pas se représenter les possibles comme antécédents à la vie. C'est-à-dire que c'est en réalité, et c'est pour ça que le texte de Kierkegaard lui-même est discutable. Il ne faut pas se représenter le fait que nous avons affaire à chaque fois à des possibles qui se confrontent, qui entrent en contradiction, et à l'égard desquels nous devons absolument faire un choix avant de commencer à vivre. Mais en réalité, nous avons déjà commencé à vivre. Et qu'il y aurait un bon choix à ne pas rater. Et nous ne pouvons pas le savoir. Ouais. Ça n'a aucun sens, d'une certaine manière. Ça n'a aucun sens de s'imaginer rétrospectivement que ce choix-là était le bon ou ce choix-là était le meilleur. Sauf dans un cas, encore une fois, quand nous sommes en face de la vérité. Eh bien, est-ce le cas des personnages de No Smoking ? Je vous emmène, Vincent Delecroix, et avec vous tous les auditeurs, vers les brumeuses amours de Miles et de Sylvie. Le froid est une des principales causes de décès en montagne. Rentrons dans la cabane. Bon, oui, d'accord. Je vais laisser la porte ouverte pour qu'on ait un peu d'air. Quoi ? C'est super, hein ? Je retiendrai l'adresse, je reviendrai pour ma lune de miel. C'est quand même fatigant. Tu n'as pas arrêté de râler depuis qu'on est parti, hein ? Quand c'est pas l'itinéraire, c'est ma façon de conduire, ensuite... C'est l'hôtel, le restaurant, les lits, il y a toujours quelque chose. Tu pourrais faire un petit effort. Je fais tout pour te faire plaisir. Mais pourquoi on n'a pas choisi un bon hôtel alors dans ce cas-là, hein ? Mais c'est un bon hôtel ! Mais non, je suis désolée, c'est pas un bon hôtel. Je sais ce que c'est qu'un bon hôtel quand même. Il est minable celui-là. Oh. Enfin, il t'aurait pris quelque chose d'un peu classe, où on nous apportait le petit déjeuner au lit, tout ça, quoi. Je serais mieux chez moi. Hein. Mais écoute, je sais pas quoi te dire, Sylvie. Alors retourne chez toi si tu n'es pas content. Oh, mais t'as même pas voulu m'offrir une vodka martini. Mais alors. Je t'ai offert un panaché. Mais je m'en fous des panachés, voilà. Je m'en fous, j'en bois tout le temps des panachés. Je veux quelque chose de différent, je veux pas, qui change un petit peu de l'ordinaire, tout ça. Et puis rien, quoi. Mais oui, mais c'est comme ça, Sylvie. C'est toujours comme ça. On attend toujours des tas de choses de la vie, et puis. Puis. Ça valait quand même le coup d'essayer. Hein ? Ouais, oui. Bon, on va rentrer en voiture dès demain matin, si tu peux supporter encore une nuit. Bah oui. Au moins, on n'aura pas à déplacer les lits. C'est curieux, les moments les plus graves de ma vie se passent toujours dans des remises. Est-ce que c'est vraiment une conclusion géniale ? Alors là, on va confronter Kierkegaard à une chose qui, peut-être, il n'aimait pas beaucoup. En tout cas, c'est ce que sa biographie laisse penser, parce qu'il faut quand même le dire, et vous êtes bien gardé de le dire, Vincent Delecroix, que Kierkegaard, lui, ne s'est pas marié, qu'il a renvoyé sa bague de fiançailles à sa fiancée peu de temps avant le mariage. Il dit que c'est grâce à ce refus qu'il a pu l'aimer toute sa vie. Les alternatives auxquelles sont face les couples de Smoking, No Smoking, mettent en scène justement ces décisions à prendre par rapport au mariage, mais aussi et surtout la question de de la confrontation de l'amour dans l'ordinaire. Vous l'avez entendu, c'est ce qu'a dit le personnage de Sylvie. Je voulais quelque chose qui change un peu de l'ordinaire. Et lui dit, bah voilà, en même temps, t'attends toujours plein de choses de la vie. Ça vaut quand même le coup d'essayer. Bon, allez, on rentre. On voit bien que finalement, l'endurance n'est pas de mise. Est-ce que ça, c'est une question que Kierkegaard s'est posée, la question de la confrontation de ce choix avec la répétition de l'ordinaire? Ah ouais, au contraire, c'est pas à vous que je vais parler de l'ordinaire, mais c'est précisément dans le livre même qui s'appelle Ou bien, l'alternative, il y a deux parties. Il y a une partie qui correspondrait au stade esthétique dont on a parlé, et une partie qui correspond au stade éthique, c'est-à-dire dans lequel on pénètre, là en l'occurrence, en se mariant. Bon. C'est pas une comédie du remariage, c'est pas du tout une comédie du tout d'ailleurs. Et ce qui caractérise le mariage ou l'état de mari, là en l'occurrence, l'état éthique du mari, c'est justement l'ordinaire. C'est justement le contraire de l'espèce de vie fantasmagorique de l'âme romantique, de l'esthétique. C'est au contraire la répétition. Et la répétition au sens de l'itération indéfinie. C'est la répétition sans nouveau. Bon. Et nous entrons par là dans un temps qui est complètement différent. Un temps consistant, qui s'accumule et qui, d'une certaine manière, se rend substantiel, contrairement, justement, à la temporalité du stade esthétique, dans lequel nous virevoltons sans consistance d'un possible à un autre, et ça abolit, en réalité, ça pulvérise le temps. Ici, dans ce dans quoi nous pénétrons, c'est le temps ordinaire, justement. Et c'est ça qu'il faut assumer, dans le stade éthique. C'est d'abord ça qu'il faut endurer. C'est ce qu'il appelle le prosaïsme du mariage, qui suit justement au romantisme ou à la poésie des fiançailles, dit-il. Donc il faut rentrer dans cette espèce de vie grise ou vie prosaïque, parce que c'est précisément là, non pas qu'on abandonne les beautés du sentiment amoureux, mais qu'on les reprend justement, et on les reprend dans le temps, c'est-à-dire qu'on les investit de durée. Le premier amour devient le seul amour ici, et il est repris en permanence. C'est-à-dire qu'en réalité, vous pénétrez par le choix dans un nouvel espace ou dans une nouvelle temporalité, mais c'est une temporalité dans laquelle ce choix se répète lui-même. C'est-à-dire tous les matins, vous vous réveillez, oh, vous êtes marié, oh, c'est elle ou c'est lui, et ben non, il faut l'aimer. Mais pourquoi il faut? Ah ben non, mais vous pouvez ressortir du stade. Pourquoi cet éloge de la répétition? Parce que sinon, vous revenez en arrière. C'est-à-dire que... C'est moins pire, alors, vaut mieux être un mari qu'un don Juan, c'est ça? C'est pas un éloge de la répétition au sens où, où ce serait un éloge de la répétition du même. Puisque là, justement, ce que nous voyons, c'est que nous reprenons constamment une décision initiale. Et ça, c'est très difficile. Ça, c'est très... Il faut être endurant. Et c'est là où, justement, la subjectivité se rend, beaucoup plus consistante qu'elle ne l'était auparavant. Elle est obligée de produire du choix. Alors, précisément, vous pouvez très bien n'avoir plus la force de comprendre ce premier amour ou de le soutenir. Et là, effectivement, vous vous écroulez et vous quittez, tout simplement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé par les liens sacrés du mari. Enfin bon, pour Kierkegaard, c'est un peu compliqué. Oui, voilà. Mais vous n'êtes pas obligé par les liens sacrés du mariage devoir reconsidérer constamment votre conjoint comme la perle rare. Encore que ce soit vrai, justement. Simplement, vous le perdez de vue. Vous ne savez plus, en réalité, pourquoi vous avez pris ce choix. Au bout d'un moment, vous ne le savez plus. Ben, précisément, il faut le reprendre. Et c'est ça, en réalité, cette temporalité longue, ce prosaïsme, là, est en réalité pas simplement un exercice d'endurance. Ah, il faut tenir le coup parce que les mois s'accumulent, parce que la routine s'installe, etc. Mais au contraire, il faut tenir le coup parce que c'est une... tension de la volonté en permanence. Mais est-ce qu'il ne faut pas distinguer là, et sans jouer sur les mots, mais la répétition de la reprise? La répétition, il y a un côté automatique, on répète, c'est la répétition du même, alors que dans le mot reprise, on a l'idée d'un nouveau départ, comme vous le disiez, d'un recommencement, ce qui est très différent. Mais absolument, et le livre, qu'on traduit soit par la reprise, soit par la répétition, qui fait de cette catégorie de la répétition une catégorie absolument centrale dans la pensée de Kierkegaard. C'est vraiment, c'est la catégorie métaphysique par excellence. Toute sa philosophie repose là-dessus, sur cette catégorie de la répétition. Et donc, il a soin, évidemment, de distinguer ce qui est de l'ordre de la répétition du même, qu'il appelle répétition naturelle, c'est, je sais pas, le cycle des saisons, mais ça peut être aussi la vie, la ritournelle, qui revient de manière On connaît constante. La chanson. On connaît la chanson, exactement. Ouais. Et de l'autre, la répétition en tant qu'elle est reprise de soi, et reprise constante de soi. Et c'est comme ça que le temps se met à durer. C'est comme ça que vous entrez dans le temps véritable. Quand vous passez précisément dans cette reprise de soi-même. On n'est pas très loin des comédies de remariage, là, quand même. Ouais. Non ? Ben oui, absolument. Le principe, c'est... Alors, si les comédies de remariage, Et dans Smoking, non Smoking non plus, hein, c'est pour ça que je le dis. Ouais, si elles consistent à considérer que, en réalité, nous devons tout reprendre de ce que nous avons déjà vécu, et que nous le vivons dans le remariage, que nous le vivons à une puissance supérieure, ben oui, c'est exactement ça. C'est exactement ce qui se passe. Sachant que pour Kierkegaard, comme pour le Smoking No Smoking, ça se termine à l'église. C'est quand même, bon là, il nous reste 30 secondes, on ne va pas épiloguer forcément là-dessus, mais pour Kierkegaard, le stade éthique dont vous parlez est appelé à être dépassé vers le stade religieux. Oui, alors là, la différence avec le film d'Alain René est quand même majeure, parce que l'arrivée, enfin, quoi qu'il se passe à l'église, on ne peut pas dire que ce soit une espèce d'ouverture vers l'absolu. Non. C'est pas vraiment le cas en l'occurrence. Et puis en plus, bon, on peut considérer que l'arrivée à l'église ou ce qui se passe à l'église, c'est un point apparemment terminal pour le film, incontestablement, mais arbitraire. Ouais. Il se passe quelque chose après. Les personnages continuent de vivre après cet événement ponctuel. Et ce qui montre bien, d'une certaine manière, l'ensemble arbitraire du dispositif proposé par Alain René. C'est-à-dire que pourquoi choisir cette décision-là? Pourquoi s'arrêter à ce moment-là? Pourquoi? En réalité, encore une fois, l'arborescence est parfaitement indéfinie. Elle est parfaitement indéfinie. Précisément parce que, et ça revient à ce qu'on disait tout au début, précisément parce que les possibles ne précèdent pas le réel. Merci beaucoup Vincent Delacroix d'être venu éclairer ce film avec vos lumières et celles de Kierkegaard. C'est absolument passionnant, ça donne envie de les revoir. Peut-être pas tout de suite, j'ai vu les deux hier, à la suite je pense que je vais souffler un petit peu. En tout cas, pour comprendre tous les possibles, il faudrait être celui qui sait tout, Dieu, ou pourquoi pas celui chanté par Stevie Wonder, une chanson qu'adorait Jean-Pierre Bacri, His Mr. Know-It-All. Les chemins de la philosophie. Il est temps de laisser Alain René, Jean-Pierre Bacri, Anas Jaoui, Stevie Wonder pour retrouver quelle pression Aurélien Bélanger, sa question philo du jour. Tu les aimes tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. On demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle, je vais tenter de résister à la pression. Oui, puis surtout là, on est en pleine métaphysique, on reste en pleine métaphysique avec votre question du jour. Pourquoi Tom Cruise n'a-t-il pas de doublure ? Ben, il faut d'abord que je vous parle du Sawyer Effect, du nom de Sawyer, le génial escroc de la série Lost, incontestablement son personnage le plus charismatique. Alors, quand on a appris à l'époque qu'il allait tourner dans un Mission Impossible avec Tom Cruise, non seulement on n'a pas été surpris, mais on a même eu un peu peur pour Tom Cruise. Est-ce qu'il allait faire le poids, Tom Cruise? Si le fameux âge d'or des séries des années 2000 devait connaître un climax, il serait là dans le grand caméo de Sawyer. Et alors, quel suspense, ça a donné quoi? Ça a donné Henri Lecomte. Sawyer était bien là, comme antagoniste dans une scène de fusillade à Moscou, mais ce n'était plus l'amoureux de Kate, le volcan aux yeux de braise de l'île aux disparus, c'était le sosie d'Henri Lecomte, le finaliste malheureux du tournoi de Roland-Garros en 88, la légende tragique du tennis français. Vous voulez dire qu'en passant au cinéma, l'acteur a perdu sa singularité et son charisme ? Exactement, il faisait ridiculement série. Et c'est presque toujours le cas dans l'économie du star system. La star de cinéma, c'est l'original et l'acteur de série, la copie. Oui, enfin c'est un peu dépassé comme théorie, non ? Il y a d'excellents acteurs de série aujourd'hui. Oui, c'est une théorie incroyablement dépassée, même vieux jeu, une théorie en fait platonicienne. La star, ce serait l'idée dont il ne pourrait exister dans le monde sensible aucune copie parfaite, le même absolu sans la présence de l'autre, alors que l'acteur de série B, c'est celui qui voit l'autre l'emporter sur le même, l'acteur qui ressemble beaucoup plus à un autre acteur qu'à lui-même, Luc Perry, comme modeste réédition de James Dean par exemple. L'acteur de série B m'évoque aussi ces vieux livres qu'on feuilletait chez le coiffeur, remplis de mannequins aussi beaux que kitsch, comme si, à travers tous ces dégradés, c'était le beau lui-même qui s'était retrouvé dégradé, à travers tous ces carrés plongeants, c'était l'absolu qu'on avait vu plonger dans le néant. En fait, c'est une théorie qu'on pourrait pousser jusqu'au darwinisme. L'acteur de série B, c'est la moyenne des traits de l'espèce, la star, c'est la singularité qu'avec un peu de patience et d'ingénierie reproductive, on arrivera à étirer jusqu'au lévrier ou à ratatiner jusqu'au bulldog. L'acteur de série B est beau, la star de DiCaprio à Anya Taylor-Joy, l'actrice du jeu de la dame, a des traits singuliers qui tendraient presque à la laideur si l'époque soudain n'utilisait pas ce visage insolite pour redéfinir le concept de beauté. Un visage justement un peu trop large comme le sont les fondations d'un édifice ou à l'instar de celui de Ryan Gosling, si plat qu'on n'aura aucun mal à modeler dessus les contours du nouvel universel. La beauté a ceci d'inquiétant qu'elle est possédée par l'avenir, qu'elle n'existe presque comme prophétie, et c'est en cela que Tom Cruise est ma star préférée, pure beauté qui s'est lentement laissée dépasser par son étrangeté et dont le sourire n'est plus qu'inquiétude, terreur et solitude absolue. Oui, enfin, n'en profitez pas pour dire trop de mal de Ryan Gosling non plus. En tout cas, Tom Cruise, ce que vous dites, c'est qu'il n'aurait pas de doublure car il serait allé trop loin dans son processus d'individuation. Exactement, au risque de se casser la jambe ou d'exploser en vol avec la fusée qui doit bientôt l'emmener tourner ses premières scènes spatiales. Là où il est, là où il va, seules des intelligences artificielles peuvent encore le rejoindre. C'est ainsi que pour démontrer les prouesses de leur outil, les concepteurs d'un réseau d'apprentissage profond viennent de fabriquer un faux Tom Cruise, plus vrai que nature, le deep fake le plus troublant qu'on ait vu, car il n'imite pas la beauté de Tom Cruise, mais spécialement son étrangeté et l'impression fugitive qu'on a quand l'intelligence artificielle nous regarde fixement et sourit, c'est qu'à chaque fois que Tom Cruise nous a fait peur, c'était déjà elle que nous regardions, elle dont Tom Cruise n'avait été que la doublure. Ouais, j'ai vu les images, c'est vrai que c'est impressionnant. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aident chaque jour à préparer ces émissions. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier en compagnie de Manon Delasselle, Laure Blanqui, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette série d'émissions cette semaine, à la lecture des textes Vincent Schmitt, à la prise de son Anthony Thomasson. On se retrouve demain pour la suite et fin de notre série en compagnie de Jean-Pierre Bacri. Demain, on sera en compagnie de Cédric Clapiche qui viendra vous parler de son film, qui est une adaptation d'une pièce de théâtre écrite par Bacri et Jaoui, Un air de famille. D'ici là, si vous souhaitez réécouter ces émissions, c'est très facile. Rendez-vous sur le site de France Culture ou bien téléchargez l'application Radio France qui vous permet d'écouter chaque émission en direct et en téléchargement. Rendez-vous sur les réseaux également, Facebook, Twitter, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires. À demain, 10h. Nous, on sera là. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.